Écoutez ce qui s'est passé ce matin en conférence de rédaction. Salut les amis. Salut Charline. Entre ici, quoi, Charline, Vanouna. Oh là là, il fait ça depuis ce matin. Non, bah allez, on trouve les sujets là. Avec ton cortège de sujets d'actualité. On va pas faire ça toute l'émission quand même. En tout cas, on va pas prendre le Panthéon comme sujet. Alors, l'invité, c'est Audrey Lamy. Elle mettrait qui au Panthéon, Audrey Lamy? Je sais, le mettrait Brad Pitt. Entre ici, Brad Pitt. Non, on va faire autre chose. Voilà, sujet, c'est quoi? La FIFA. Ah, très bien, je prends, Ouais, la FIFA, c'est rigolo, ça sonne comme le nom d'un pays africain. Sauf que c'est une république bananière. Bon, allez, après sujet 2. Sarkozy. Entre ici, Sarkozy. Ah, mais non, pas lui. Non, pardon, pas lui, il y a une erreur. Enfin, en revanche, je prends le sujet Sarkozy, c'est bien. Il reste plus qu'un sujet. On va quand même faire le Panthéon, rassurez-moi. Ah non. Bah attendez, je la fais quand, mon imitation, moi? Mais ton imitation de qui? Bah de Malraux. Ah, c'était Malraux. Bah oui, c'était Malraux. Vraiment, c'est le grand schtroumpf. Mais non, mais faut rigoler ou quoi? Ça fait 3 jours que je m'entraîne pour Malraux, moi. Bon, il y a un sujet sur les femmes de pouvoir. Ah, mais très bien, ça. Évidemment, très bien. C'est sûr que ça va te plaire, ça. Bon, Guillaume, c'est bon, ça va, tu peux arrêter, on ne fera pas le Panthéon. Ouais, bah, c'est bon. Voilà. Entre ici, déception. Non. Avec ton cortège d'aigreur. De Gaulle. Mais non, Malraux. Putain, c'est Malraux. Bonjour, France Inter. Entre ici, France Inter. Entre ici, cher auditeur. Bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui fait entrer l'actualité dans la résistance. Et voici les 3 informations qui vont finir dans le maquis jusqu'à 18h. Allez, à la FIFA. Il s'est passé pas mal de trucs à la FIFA, sous la table, et depuis un sacré bout de temps, le ballon va finir au fond des filets de la justice. Les bénéfices, ça se divise, la réclusion, ça s'additionne. Les militants UMP, républicains, UMP, républicains, UMP, enfin bon, voyez quoi, sont priés d'emporter leur sandwich au congrès ce samedi. Nicolas Sarkozy aussi, mais il les emporte en jet privé, le moyen de transport idéal pour faire Paris-Le Havre. Sarkozy, c'est une certaine idée de la logistique. Mon tailleur est débordé. Il m'envoie 12 costumes toutes les semaines par avion de Glasgow. Angela Merkel reste la femme la plus puissante du monde dans le top 100 du magazine Forbes. Oui, puissant, oui, tout à fait. Elle est puissante. Parmi les critères, il y a la fortune, la puissance médiatique. Et nous, on ajouterait une certaine propension à être casse-couille, comme Margaret Thatcher. Une main de fer dans une culotte de président. Et pour faire sauter les rails sous ces 3 informations, je suis accompagnée de mon super résistant à l'actualité, Alex Vizorek. Mais bonjour, Charline Vanhoenacker. Et aujourd'hui, autour de la table, nous attendons encore du monde, mais je peux déjà vous présenter ceux qui sont là. À 17h20, il est aussi ouvert et large d'esprit en amitié qu'il est exigeant en musique. Et c'est pour ça qu'il est capable de passer une soirée entière à rire avec Kenji Girac, si l'autre propose de laisser sa guitare au Sainte-Marie de la Mer. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline. De quoi on va parler ? D'une chanson somptueuse, Madame Rêve, et d'un livre somptueux, puisque c'est le livre de Pierre Grillet, l'auteur de cette chanson, et qui va nous raconter la genèse de ce texte. Et c'est passionnant comme une histoire d'amour qui finit mal. Vous faites aussi littérature, c'est formidable. Il est capable de tout. Et à 17h30, le Cyrano de Bergerac du micro, car il emmène son interlocuteur où il le souhaite par sa verve, et à la fin de l'envoi, il touche, c'est Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Moi je suis allé ce matin à Place Saint-Sulpice à Paris, pour un forum consacré aux mathématiques, où il y avait... Il y a une énorme association très active des professeurs de mathématiques. Et... Quelle horreur! Pas du tout! Ah bah non, youpi! Plein de profs de maths, super! Et à 17h40, celle qui n'a pas d'horaire. Elle peut lire la presse à 5h du matin, boire une petite bière à 11h pour s'endormir, se réveiller à 15h pour venir raconter n'importe quoi ici, en espérant que le directeur de l'info d'Inter n'écoute pas la star des journaux matinaux, Hélène Roussel, bonjour! Salut les Belges! Mais vous êtes la seule qui me fait oublier Clara Dupont-Meneau. De quoi allez-vous nous parler ? Bah écoutez, qu'est-ce qui a bien pu retenir l'attention à l'étranger, je parle de la presse étrangère, qu'est-ce qui a bien pu retenir l'attention de ce qui s'est passé en France ? Je vous le donne en 1000, la réforme du collège Naturlich. Naturlich. Et Naturlich aussi intervenait dans cette émission à travers les réseaux asociaux sur Twitter, hashtag annule tout, et devenait notre ami imaginaire sur Facebook. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qui entre ici dès qu'elle veut, un référent de la République République. Elle est née sous Giscard, mais elle va arriver. Hein. Elle entre au conservatoire en 2001, c'est l'année où Loana glisse dans la piscine et tombe malencontreusement sur une extrémité de Jean-Édouard. Elle va arriver. Hein. Vous décrochez... Enfin, elle décroche son premier rôle au cinéma dans Paris de Cédric Clapiche en 2008, quand Carla dit oui à Nicolas, assez fort pour qu'il l'entende. Et elle devrait être là bientôt. En tout cas, elle est pas là, mais elle est là. Mais comment elle s'appelle? C'est Audrey Lamy. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Audrey Lamy, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes Céline dans qui c'est les plus forts de Charlotte de Turckheim. Caroline, il me semble. Ah, non, Céline. Non, écoutez, sur ma fiche, c'est Céline. Ah, d'accord, voilà. J'ai pas vu le film, c'est pour ça. Qui est en salle le 3 juin. Oui, tout à fait. Bon, ça s'est bien passé, le... Très bien, j'ai été payé une fortune pour faire ce film, qui n'est pas terrible, hein, on peut le dire, hein, aux auditeurs qui nous écoutent. C'est pas vraiment la peine qu'ils se déplacent pour le voir. Mais, mais ça, c'est bien, parce que c'est rare les gens qui viennent. On fait assez peu de promotion dans cette émission. Oui, d'ailleurs, on la met au début pour être sûr que si l'invité arrive en retard, ce soit ça qui loupe. Donc, voilà, c'est ça. Et assez peu, on se fera en parler. Pourtant, vous en avez reçu des tocards. Hein. Moi, j'écoute régulièrement l'émission. Mais oui, mais tant qu'on vous a. Alors, quel était le problème du film? Est-ce que c'était plutôt la réalisatrice, la collègue, le scénario qui était vraiment faiblissant quand même? La cantine, peut-être. On part de pas grand chose avec le scénario, mais c'est du cinéma français. Donc, jusque-là, j'étais plutôt habitué. Après, c'est vrai que moi, ce qui me gêne beaucoup sur les tournages, c'est les intermittents du spectacle. Pas se mentir. Ce sont des gens qui ont une odeur corporelle qui est quand même très particulière. C'est fort, oui. C'est bien d'avoir une remontée de terrain, comme ça nous arrive assez rarement. Oui, parce qu'on imagine toujours le cinéma, c'est glamour, c'est paillettes. Et non, c'est fromage de chèvre. C'est pas une grande famille. Ouais, moi, je vais retourner la question, parce qu'il y en a une qui a vu le film. Alors, Charline Vanhoenacker, si vous deviez pitcher ce film, parce que vous étiez sur le bureau à côté de moi et je vous ai entendu rire quand même. Oui, oui, oui. Écoutez, c'est un film très plaisant, surtout si notre invité arrive. Je pense que c'est encore plus plaisant. Parce que de toute façon, elle est sympa sur les sujets, elle va être super. Alors, donc, expliquez-nous l'histoire. Ça s'appelle « Qui c'est les plus forts » de Charlotte de Turckheim. Céline et Samantha sont deux amies et colocataires. L'une se bat pour conserver la garde de sa jeune sœur. Alors, elles font des petits boulots, comme par exemple le téléphone rose. Voilà, des petits boulots, que tout un chacun peut éventuellement exercer si Pôle emploi ne vous a pas trouvé un poste digne de ce nom, n'est-ce pas? Voilà, alors c'est marrant parce que le film commence par une manifestation où elle scande « Notre vie, c'est le poulet, on se laissera pas plumer ». Voilà. Il y a du dialogue, c'est ce qu'on disait. Oui, il y a du dialogue. C'est du social. C'est peut-être pas la meilleure vanne du film, quand même. Non. Alors, je dirais que c'est une comédie sociale, mais notre invité nous le confirmera tout à l'heure. Ouais. Qu'il s'agit de fermeture d'usines, de pôle emploi, des femmes à la GPA. Et figurez-vous que. Et les gens rigolent avec ça. Hein. Mais tout ça, les femmes à la GPA, le poulet. Oui, mais les gens rigolent avec ça. Le cinéma français fait beaucoup dans le social. Est-ce qu'on n'enverrait pas le disque comme ça quand elle arrive? Vous voyez, sinon elle aura zéro temps de promo. On va demander à Audrey Lamy si elle nous entend, si elle peut ne pas arriver un an et 438 allocations chômage plus tard. Ça nous arrange. Allez, en attendant, musique. À défaut d'Audrey Lamy, Marcy Gray, I Try, ça vous dit? Allez. Ouais. Allez, on is getting one sur France Inter. Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke. I try to walk away and I stop. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. I play it off, but I'm dreaming of you, and I'll Macy Gray, I try to call Audrey Lamy, where are you? Somewhere you. In Paris, please come on in this studio on France Inter. Nous Entre sommes en air. Ici, Audrey Lamy, si tu nous entends. On la cherche. Alors, si vous croisez Audrey Lamy dans Paris, indulcuez-lui, 116 avenue du président Kennedy à Paris, 16e arrondissement. Sinon, Macy Gray, I Try, André Manoukian, c'est un joli morceau. Oui, c'est un très joli morceau. Et surtout, voilà, les voix de Macy Gray voilées comme ça. Merci avec André Manoukian. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'invité qu'il faut profiter du temps. On retrouvera le moment. Oui, parce que s'il n'y a pas d'invité, on va avoir une chronique d'André Manoukian. Elle est dans la lignée, on pourrait dire presque, des Billie Holiday, de tout ça. Il y a de la soul, il y a du. Et c'est la première à mélanger le R&B avec la rock pop, en fait. C'était la deuxième, mais en fait, elle n'était pas connue, la première. Donc, voilà, c'est un petit peu ça. Donc, autour de cette table, une chaise vide. Évidemment. Après, elle a fait une chanson en même temps, c'est un peu difficile. Mais... André Manoukian, qu'on a déjà bien entendu. Et Guillaume Meurice. Oui, bonjour. Bien sûr, bonjour, qui bien peut sûr. Faire aussi des imitations et les gens vous félicitent. Ah. Vous envie que vous soyez invité plus souvent. Pour Malraux ou pour Audrey Lamy? Audrey Lamy. D'accord. Et Hélène Roussel. Allez, nous avons feuilleté la presse et avant qu'elle finisse par emballer les légumes et en attendant notre invité, on la passe en revue. Charline Vanhoenacker. Non mais je vous en veux pas. Mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Alex Vizorek, quelle est la première information absolument capitale que notre invité va donc rater puisqu'elle n'est toujours pas là? Claude Guéant est renvoyé en correctionnel dans l'affaire des primes en liquide. Oh non. Guéant aurait des problèmes avec la justice. C'est ça. Alex, j'avais demandé une info, s'il vous plaît. C'est... Pardon. Jean-Luc Mélenchon s'en prend à Stéphane Bern, car il trouve que son émission Secret d'Histoire est trop orientée sur les rois et les reines. Non mais Stéphane Bern serait monarchiste. C'est ça. Bon, Alex, on a dit de l'information. Oui, bon, ben, je sais pas, moi. Alors, si, j'ai une info. Alors ça, elle est pointue. La nouvelle patronne de la banque espagnole Santander, Ana Botín, est la banquière la plus puissante du monde. Ouais, c'est normal, parce que dans le Botín, il y a tous les numéros. Je sais pas si je préfère les non-infos ou les non-jeux de mots de votre part. Match nul. Parfois, je comprends pourquoi les invités viennent pas. Bon, allez, vraie info. Audrey Lamy vient de faire demi-tour, effectivement. On va l'apprendre. Elle était dans l'ascenseur, elle a fait stop. Nicolas Sarkozy, interrogé sur son absence au Panthéon, il a ironisé en déclarant « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Ah bah au moins il a lu le rouge et le noir d'Émile Zola. Oui, là vous avez raison. Tennis à présent. Oui, avec ce titre étonnant sur le figaro.fr, Raphaël Nadal joue avec une montre à 700 000 euros. Ah bon ? Je pensais qu'il jouait avec une raquette. On approche du néant. On reste à Roland Garros. Au revoir. Je crois que c'est la meilleure de l'année. Ça demande du temps. Bah, c'est bien sûr. J'ai bossé vers rien, hein, bien sûr. Écoutez. Parce qu'en fait, vous voulez dire qu'il joue pas vraiment avec la montre, c'est ça? C'est vous pouvez préciser cette blague. Là, s'il vous plaît. Elle pèse 19 grammes, si vous voulez. Une information lefigaro.fr. Parce que moi, je travaille mes dossiers, monsieur. Roland Garros, ça vous ennuie qu'on continue à bosser? Allez-y. Ferrarissime, il y a eu une bagarre hier dans les tribunes de Roland Garros. Donc, c'est dangereux. Les gens en polo blanc et chapeau de paille. C'est terrible, ouais. C'est des hooligans. Alors ils ont évacué, le match s'est terminé avec la victoire du français Benoît Paire. Et là j'ai envie de me faire la vanne j'ai lu partout mais que j'adore. J'espère, André vous l'avez pas vu, j'espère que Benoît Paire va jouer contre Gaël, mon fils, comme ça mon fils va retrouver un père. Voilà, je l'ai trouvé super, je voulais la faire. Très bien, alors passons au classement. Il est dans les 40. Alors là, si vous arrivez à expliquer ça, parce que c'est compliqué. Allez-y. Bah, c'est mon boulot, je suis journaliste, vas-y, merde. Vas-y. Passons, vous riez, Maurice. Non, j'écoute Rire et Chanson en même temps. Chers auditeurs, ne nous abandonnez pas, restez avec nous, parce que déjà, on n'a pas d'invité. Donc, si vous aussi, vous nous laissez, chers auditeurs, dans votre voiture, chez vous, dans la cuisine, je ne sais pas, restez avec nous. Donc, passons au classement des 50 meilleurs restaurants du monde. Ah, ça, c'est un peu. Voilà, vous savez qu'il n'y a aucun Français dans le top 10. Ah. Alors, le classement, de façon un peu ironique, a dévoilé tous les restos qui ont été recalés. Donc, ceux qui figure au-delà de la 50e place. Et au-delà, il y a 4 restaurants français, donc parmi les derniers. Ah, et c'est dans quel classement, ça? Le World's 50 Best Restaurants, c'est un classement britannique. Oui, c'est les Anglais qui font un classement de bouffe. Allez, on passe à la suite. D'accord. Bon, allez, une dernière info qui touche à votre nouvelle passion, Alex. Oui. Alors, une Russe prend un selfie avec un pistolet et appuie sur la détente. Ça, c'est ballot, si vous voulez. Et ça, je le dis, mesdames, je sais que c'est pas votre spécialité, ne faites pas deux choses en même temps, vous pourriez inverser les mouvements. J'ai comme ça une amie qui, un jour, a voulu se brosser les dents tout en mettant de la crème pour hémorroïdes. Résultat, elle avait une très mauvaise haleine et elle ne retrouve plus la brosse. Voilà. Et là, il y a un jingle. Le réalisateur est parti. Donc nous avons perdu tout le monde, nous n'avons pas d'invité, nous n'avons plus de technicien, pourtant on les aime bien, c'est Élise Christophe et Grégory Wallon, on les aimait mais ils sont partis. Attendez, suite à la Black Curie. Est-ce qu'il y a encore des auditeurs? Parce que sinon moi je me barre, j'ai un truc si, à faire. Si, à la réalisation, d'accord, il y avait Benjamin Riquet, à la préparation, Claire-Sophie Collet, Nathalie Romero. Guillaume Meurice est en train de quitter le studio, Manocure est partie, Hélène Roussel est partie dormir, il me reste Alex Vizorek. Et avec Alex Vizorek, on sera là jusqu'à 18h, coûte que coûte. Oui. Donc voilà, donc Audrey Lamy joue dans Qui c'est les plus forts, la Charlotte de Turckheim en salle le 3 juin. Oui, mais c'est de la merde, n'y allez pas, c'est de la merde, c'est nul. C'est vrai, aucun intérêt. Lamy, mais oui, aucun intérêt. Ouais. Et Charlotte de Turckheim est sympa ou pas sur une vraie connasse, mais c'est pas la question. Lisez des livres, faites des choses intéressantes de votre vie, arrêtez d'aller voir des conneries au cinéma. Voilà, c'est mon conseil, c'est tout. Je le dis. Non, mais le cinéma français, pourtant, vous avez été bien payé quand même. J'ai été extrêmement bien payé parce qu'il y a les aides du CNC. On va pas se mentir aussi là-dessus. Mais c'est de quoi vous payez un taxi moto pour venir jusqu'au studio quand même à un moment, je veux dire. Pas jusqu'à la fin. C'est la plus belle promo. C'est mon rêve de promo. Putain, c'est vrai ? Un jour, je rêverai de faire ça, je te jure. J'en profite pour dire que je déteste les œuvres d'André Manoukian. Ouais. Ça ne pourrait pas être inintéressant. Très voilà. Bien. Oh, écoutez, vous taillez Audrey Lamy, c'est incroyable. Oui, j'en ai marre maintenant. Nous, on aime les gens comme ça. Ouais. Vous avez de l'aspérité, de la satire. Nous, c'est moi, j'ai pas de langue de bois, voilà, je vous le dis. Je vois bien. Alors, on va aborder avec vous, Audrey Lamy, le premier sujet. C'est-à-dire, c'est terrible ce qui arrive dans le premier sujet. Parce qu'il se pourrait fortement, mais c'est au conditionnel, que la FIFA soit corrompue. Toujours au conditionnel. Et cela depuis les années 90. Je sais, c'est dur. Oh non. Et comme son président, Joseph Blatter, doit être réélu demain. Eh bien, il prépare activement la corruption, pardon, la conversion des voix. Excusez-moi, voilà. L'affaire redeviendrait possible si on pouvait faire contrôler nos sterling par un spécialiste. Vous en connaissez un ? Le meilleur. Il blanchit sous le harnais. Hein. 30 ans de fausse monnaie, pas un accro. Un mec légendaire, quoi. Les gens de sa partie l'appellent le Dabe et enlèvent leur chapeau rien qu'en entendant son blase. Une épée, quoi. Le cave se rebiffe, ouais, parce que c'est Blatter, c'est pas une épée, hein, vous l'aurez compris. Il est pas blanchi sous le harnais. Enfin, blanchi, c'est l'argent est blanchi, mais pas lui. Alors, donc Audrey Lamy, vous êtes avec nous jusqu'à 18h. Oui, toujours. Vous êtes toujours là, n'est-ce pas? Alors, le foot, mais je reste. Ah oui, bah écoutez, on est payé pour être désagréable d'abord, donc. Et puis vous parlerez quand je vous serai autorisé à parler déjà. D'accord. Donc, alors comment vous dire? Il y a 9 élus de la FIFA et 5 partenaires de l'instance mondiale qui ont été inculpés mercredi pour fait de corruption racket. Ça vous étonne, j'imagine, Audrey Lamy. C'est une information qui vous a ébranlé. Déjà, raquette dans le foot, c'est un vrai problème. Merci Alex Vizorek. Donc, Audrey Lamy. Pardon. J'aime beaucoup les jeux de mots, ça me donne envie de mourir. Mais dites-moi, oui. Oui, Audrey Lamy, d'autant que votre film se passe à Saint-Étienne. Oui. Et c'est vrai que si les poteaux avaient été ronds ou carrés, je ne sais plus, l'économie serait repartie dans le Est-ce bon qu'il sens. Y a une fin à cette question? Déjà, j'aimerais arriver au bout de cette émission, mais sans invité, si vous voulez, c'est difficile. Donc, Audrey, mais si vous n'émettez pas du vôtre, on ne va pas y arriver. Moi, j'aime beaucoup les footballeurs parce qu'il se trouve que j'ai le même quotient intellectuel que beaucoup de footballeurs. Donc, en fait, je me sens vraiment à leur hauteur. Et donc, c'est pas ça, gentil, ça parce me que plaît. Là, vous ne diriez pas ça, Guillaume. Attendez, on m'informe qu'elle était dans l'ascenseur et qu'elle a entendu l'antenne et qu'elle est repartie dans l'autre sens. Donc, on va contacter l'accueil pour qu'il nous la renvoie, éventuellement. Écoutez, fermez toutes les issues. Empêchez Audrey Lamy de partir, on en a besoin. En plus, c'est une spécialiste du foot, en vrai, Audrey Lamy. Elle travaille à France Football et tout. Hein. Alors, Audrey Lamy, j'ai une autre question là, sur la FIFA, parce que apparemment Sepp Blatter, qui doit être réélu demain, quand même, pour un 5e mandat, est soutenu, attention, par les Africains et par Vladimir Poutine. Et Jean-François Copé, je crois aussi. Une réaction, Audrey Lamy ? Oui, mais il faut arrêter comme ça d'être soupçonneuse sans arrêt. Il y a le principe de la présomption de culpabilité. D'innocence, pardon, d'innocence. Et je trouve que c'est intéressant. Voilà, désolé pour le retard. Mais non, je rien. Écoutez, 28 minutes de retard. C'est les 28 minutes académiques. Mais regardez, j'ai le front rouge à cause du casque taxi moto. J'arrive dans un état. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que vous savez, la promo a été faite et tout. Voilà, on s'est occupé. On a absolument été dithyrambique. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Il y a Hitchcock et puis il y a Charlotte de Turckheim. On va pas se mentir là-dessus. Classe. Mais vous savez quoi, Audrey Lamy? Vous arrivez pile pour la chronique d'André Manoukian. Ah bah oui. Et donc ça, André, je sais que vous n'oubliez pas raté ça, évidemment. Voilà. Allez, je me concentre. Vous n'avez pas entendu ce qui s'est passé avant, j'espère. J'ai la pression, là, parce que... Elle arrive, voilà. Donc, écoutez, je vais pas vous faire un. Si, je vais vous faire un disque. Je vais vous faire une chanson. Parce que, écoutez, on n'avait pas d'invité jusque-là, donc si on peut avoir une chronique, ça m'arrange. C'est l'histoire d'une des plus belles chansons d'Alain Bashung qui s'appelle Madame Rêve. Et c'est l'histoire d'un petit livre écrit par l'auteur de cette chanson, c'est-à-dire Pierre Grillet, qui a fait le texte de Madame Rêve et qui raconte comment il a fait cette chanson. Alors, le livre commence comme ça. Madame Rêve, c'était quelqu'un. Elle est belle, cette phrase. En fait... Attendez, laquelle? Parce que celle-là, pas je recommence. Ah, oui, oui. Madame Rêve, c'était quelqu'un. Ah, oui, oui. Tout le style de Grillet y est. Madame Rêve, c'était quelqu'un. Une phrase courte, quatre mots, deux verbes. Quatre petits mots, mais plusieurs sens. Quatre mots, mais en 3D. La troisième dimension étant l'espace des signifiants que Pierre Grillet a le talent de suggérer les uns derrière les autres. Premier sens... Ça y est, j'ai mal à la tête. Madame Rêve, c'était quelqu'un. Ça veut dire que cette dame a vraiment existé. Et là... On est déjà troublé, car vous le savez bien, Charline, cette chanson a pour sujet l'onanisme féminin. Mais alors, un onanisme onirique et transcendantal de première bourre, si j'ose dire. Et tout d'un coup, cette incarnation nous trouble. Que se dire que cette dame a vraiment existé, qu'elle a fait toutes ces choses, on a forcément envie d'aller à sa rencontre. D'autant que le deuxième sens du « Madame Rêve, c'était quelqu'un » sous-entend qu'elle avait une personnalité incroyable. Revenons au texte. Madame Rêve d'atomiseur. Un atomiseur, ça a pour fonction de transformer la matière, de la réduire à ses plus petits composants, l'atome, du grec atomos insécable. En gros, un atomiseur transforme la matière en esprit. Un atomiseur, ça rend notre monde spirituel. C'est la cristallisation qui est terrible. Quand les choses sont figées, enfermées, les transformer en air, les atomiser, ça libère et ça soulage les forces spirituelles. Quand Madame rêve, elle est déjà dans le monde de l'esprit. Quand elle rêve d'atomiseur, elle rêve d'un monde où la machine libérerait la matière. Madame rêve d'atomiseur et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Très belle allitération. Une allitération presque aussi chouette que celle d'Andromaque de Racine. C'est parce que j'écris les chroniques de Manu. Exactement. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Et deux cylindres si longs qu'ils sont les seuls. Elle déroulait bien cette phrase, dit Pierre Grillet. Je l'ai aimée, cette phrase. Une phrase peut me rendre heureux. C'est ça le truc. Entre Natacha qui jouit et Bashung qui chante, 11 ans passent. Pierre Grillet a fait un livre sur la genèse de son texte. On y apprend que Bashung a fait sauter un couplet « Madame rêve d'obélisque, de forme qui concorde ». On y apprend comment Bashung travaille. « Je voudrais de la verdure, un truc champêtre ». Grillet écrit « Madame rêve de plantes narcissiques et de fruits amoureux ». Et Bashung transforme « Madame rêve de fougères, de foudres et de guerres ». Un auteur qui raconte comment il écrit une chanson, a priori ça peut paraître redondant. Pourquoi délayer ce qui fait le charme unique d'un texte de chanson? La compression du sens, des sons, ce tressage du parler et du chanter, ce nœud intime qui produit tant d'affect. C'est qu'en fait, la madame de la chanson est une sublime histoire d'amour. Une histoire d'amour impossible, forcément c'est bien plus beau. Sublime parce que la madame est sublime, sa photo en bandeau de folkeuse californienne qui aurait posé pour Helmut Newton, elle s'appelait Natacha en vrai, elle était fantasque, drôle, kleptomane, dépensière, égoïste, toxicomane, infidèle, belle et gracieuse. Des étreintes dans les bras d'une femme pareille, on ne s'en remet pas. « Tu as de la chance », dit quelqu'un un jour à Pierre Grillet. « Toi, tu écris, tu t'en sors toujours. » Ça m'a sauvé, dit l'auteur. « On peut bien tout partager, le pire et le meilleur à deux. Celui qui repart avec la chanson, c'est moi. » Revenez, Audrey, revenez. Non, je suis reparti, voilà, reparti. « Deux cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. » Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh ciel, oh ciel, voilà, on y va. Parce que comme il y a Audrey Lamy qui est là, on coupe les couilles de Machung, hein, je ne vois pas d'autre explication. Et on passe à Audrey Lamy. Oh non, pas les couilles. Ouais, c'est un petit livre que je conseille, voilà, de Pierre Grillet, Madame Rêve, c'est paru chez Stock. Et c'est son ami Olivier Pourriol, philosophe, qui lui a dit tu devrais écrire l'histoire de cette chanson. Et je vous assure que c'est formidable. André, est-ce que tu pourrais nous relire ce que tu viens de lire justement quoi? Les trois pages. Toutes les trois pages. Madame Rêve, c'était quelqu'un. Elle est belle cette phrase, non? Alain Bachung sur France Inter avec Audrey Lamy qui nous a rejoint. Voilà, qui c'est les plus forts de Charlotte de Turckheim en salle le 3 juin. Donc pour tout ce qui est promo, explication du film, donc c'est fait. Alors, on va pouvoir passer à je vous conseille reportage. Quand même de ne pas réécouter en fait. Hein. C'est ça. Non, voilà, parce que pour le moral, je pense que c'est ça. Donc, excusez-moi, je suis un peu perturbée. J'ai pas l'habitude d'avoir un invité dans le studio, donc ça peut chambouler. C'est le moment du reportage de Guillaume Meurice. Vous tombez vraiment bien, André. Ah oui, je vous assure. Il y a que Guillaume qui m'intéresse. Voilà, moi je vais vous parler, justement, ça tombe bien, je vais vous parler des deux grands mystères de ma vie, les filles et les mathématiques. Heureusement, pour résoudre le mystère des filles, il y a le GHB. Mais pour les mathématiques, c'est quand même vachement plus compliqué. D'ailleurs, je trouve que Najat Vallaud-Belkacem ne va pas assez loin dans sa réforme. Il faut supprimer les maths. On peut très bien vivre sans savoir compter. Regardez Bernard Tapie. Hein, il se plante régulièrement dans sa compta. Bah, il le vit très bien, le gars. Voilà. Donc, les maths, c'est tout pourri. Et pour en avoir le cœur net, je me suis rendu ce matin place Saint-Sulpice à Paris, où débutaient 3 jours entièrement consacrés aux mathématiques, avec plein d'ateliers, mais aussi des stands d'éditeurs qui sont spécialisé en maths et plutôt culture, tout ce qui est culture mathématique. 6 x 7 6 x 7, bah 40 6 x 7, bah oh là là, bah ça fait 49. Oh là là. Je disais que j'étais nulle en maths. Alors on n'a pas entendu, mais à la fin elle disait oui, mais presque. Et c'est vrai, elle a pas tort. Bah non, mais c'est vrai, on va pas chipoter. Qui a déclaré que l'étape de multiplication c'était au chiffre près? Voilà, c'est comme une élection à l'UMP. C'est bon, c'est pas à la centaine de bulletins près. Donc il faut se détendre un petit peu. Se détendre, ce n'était pas la spécialité d'un mathématicien que j'ai repéré et qui faisait salement la gueule. Alors qu'est-ce qu'il faisait là? C'était pas mon choix de venir là, c'était qu'ils m'ont demandé de faire ça et donc je suis venu. Mais vous aviez pas très envie. Si vous me dites pourquoi je suis là, parce qu'ils m'ont dit que j'étais à être là. Vous faites des vraies réponses de scientifiques. Pourquoi je suis là? Parce qu'ils m'ont demandé de venir. Oui. Et si vous avez demandé d'aller ailleurs, vous seriez allé ailleurs. Oui. Voilà, bah ça c'est un gars carré. Hein, lui, il est fiable. Bon, on sent qu'il va pas organiser la fête du slip. Mais bon, on sait que si on lui demandait d'organiser la fête du slip, bah, ce serait carré. Les slips seraient bien repassés. On peut compter sur lui. Est-ce que c'est le cas de cette pointure des mathématiques que j'ai testée? Je suis chercheur en mathématiques, en théorie d'un néon. Sur une branche d'arbre, il y a 8 oiseaux. Oui. Je prends mon fusil. Oui. J'en tue racine carrée de 4, moins 1. Combien il en reste? Oui, donc là vous avez enlevé un indirectement. C'est pareil, et en fait on est censé être 7. Je vois pas trop bien pourquoi c'est pas 7 pour le moment. J'ai pas suivi. C'est pas la 7. Réponse c'est 0. C'est 0. Parce que le bruit du coup de feu les a fait fuir les autres. Ah d'accord. Non mais ils sont pas tués aussi. Vous avez dit tués, non? Qui reste? J'ai dit combien il en reste. Très bien. Bien joué. Bam! Allez! J'ai fumé un chercheur en mathématiques. J'ai vengé le gamin que j'étais à 12 ans. T'as vu ça, Guitou? Ouais, Guitou, c'est le surnom que j'avais à 12 ans. Allez, va chercher du bon gars, Guitou. Oui, je buvais du bon gars à 12 ans. Parce que j'étais un punk. Moi, je disais au prof de maths, hey, mec, ta racine, tu sais où tu peux te la carrer? Bim! Ouais, j'avais déjà un humour pourri à 12 ans. Et, généralement. Vous avez bien fait de venir, hein, en tout cas. Il est complètement malade. Généralement, les profs me calmaient avec ça. Une carafe et sa moitié font 2 litres, combien mesure la carafe? Attendez, j'ai déjà pas pigé l'énoncé. Bon, ou alors... ça y est, je transpire, ça me rappelle l'école. Son bouchon pèse 110 grammes, la bouteille pèse 100 grammes de plus que le bouchon, ça vous allez y arriver. Combien pèse le bouchon? Je vais dire 10 grammes, mais c'est pas ça. Vous êtes trompé. Voilà, c'est ça. Je savais que vous alliez vous tromper. Voilà, vous avez vu la perversité du prof de maths. Hein, les tortures de la Gestapo à côté, c'est une French manucure, c'est horrible. Alors lui, il faisait un petit peu son malin. C'est l'organisateur d'un concours qui s'appelle le concours Kangourou. Et c'est un concours de maths pour les collégiens notamment. Tiens, si on lui posait une question issue de ce fameux concours. Un kangourou effectuant 2 sauts en 1 seconde 5. Court à une vitesse de 12 km/h. Le nombre de sauts qui lui permet de parcourir 100 mètres est donc... Ouh là là, c'est compliqué ça. Question cadet, hein, 4e, 3e. Oui, ils sont bons. Alors il faut que je raisonne. Ah bah j'espère bien que vous allez raisonner. Alors on va raisonner alors. 12 km/h, ça fait 3,33 m par seconde. Ça je le sais parce que... Oui mais n'essayez pas de m'embrouiller. Non mais je sais pas moi, 10 sur 3 m par seconde. Et c'est-à-dire que Alors 10 sur 3 mètres par seconde. Alors un kangourou, effectivement. Alors. Bon, alors là, on en a pour la nuit, hein, ce rythme-là. Je suis désolé, c'est un problème pour les collégiens. Bon, alors pour être honnête, il a fini par trouver. Hein. Ce fut fastidieux, très très long, mais la réponse est 40. Mais alors, pour être encore plus honnête, on n'a quand même pas la réponse à cette seule question qui se pose. Qu'est-ce qu'on peut bien en avoir à foutre de savoir combien de sauts il doit faire ce putain de kangourou? C'est pas vrai. Ça, aucun prof de maths ne répondra jamais à cette question. Les profs de maths, c'est comme les filles. C'est là uniquement pour poser des problèmes. Bon, du coup, je me suis permis une dernière question. Oh là là. Bon, et si je vous dis 8 x 9 ? 8 x 9 ? 72. Impeccable. Non, mais ça, attendez, je suis pas ministre, je sais les choses. Ah, voilà, enfin une bonne réponse, ça, ça fait plaisir. Et du coup, ça me donne une idée. Mais oui, j'ai trouvé la solution pour régler mes problèmes et ceux des profs de collège en même temps. Je vais tout simplement inviter Najat à aller boire un petit verre. De GHB. Merci Guillaume Meurice. Allez, on est ensemble jusqu'à 18h avec Audrey Lamy. On va quand même toucher un petit mot de votre film avant de passer au sujet 2. Hein, parce que comme Guillaume Meurice a fait la promo de votre film, je ne suis pas sûre que ce soit très heureux. Qui c'est le plus fort de Charlotte de Turckheim en salle le 3 juin. Donc, vous jouez Céline. Céline et Samantha sont deux amies colocataires. L'une se bat pour conserver la garde de sa jeune sœur. Et j'expliquais tout à l'heure, devant votre alias, qui a répondu brillamment à votre place, que le film s'ouvrait sur ce slogan « Notre vie, c'est le poulet, on ne se laissera jamais plumer », qui est un magnifique ce slogan. Donc ça ouvre sur une manif, il est question de fermeture d'usines, de pôle emploi, vous jouez comme une parodie des femmes au début, il est question aussi de GPA qui est vraiment le nœud du film, et vous trouvez normal de rire de tout ça, de ces sujets de société? Non mais c'est ça moi qui m'a intéressée, c'est qu'il y a une vraie histoire, c'est-à-dire qu'on aborde plein de sujets un peu compliqués effectivement, d'handicap, de chômage, tout ça, de GPA, enfin on parle pas que de GPA mais on se penche sur ce destin de deux nanas qui se retrouvent au pied du mur, qui n'ont pas une thune, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de parents, et qui vont tout faire pour sauver leur peau. Et voilà, ce qui m'a plu, c'est l'écriture qui vient d'une pièce de théâtre qui s'appelle Sunderland et qui a très bien marché à Paris. Et Charlotte, en sortant de cette pièce, a eu un vrai coup de cœur. Elle s'est dit enfin des vrais rôles féminins de nanas modernes, battantes, et pas des cocus qui s'aperçoivent à la fin du film qu'elles sont cocus ou des faire-valoir, etc. Voilà, des vrais rôles féminins. Qu'ont du tempérament et donc gros coup de cœur pour Charlotte. Et puis quand elle nous a présenté le film, alors évidemment des bons dialogues, une belle structure, des choses à défendre, c'est ce qu'on appelle une comédie sociale, parce qu'il y a c'est ce qu'on appelle une comédie sociale, ouais. Absolument, vous avez bien fait de venir parce que je voulais en être sûr quand même. Charline a mentionné une parodie des Femmes, qu'est-ce que c'est exactement? Ça intéresse Alex. Oui, c'est parce qu'à un moment donné je montre mes seins. C'est vrai, vous voulez parler des seins d'Audrey Lamy, Énorme poitrine dès l'ouverture du film, un 95D, comme paf, sur grand écran. Alice Paul aussi a fait une parodie des femelles. Absolument, plusieurs le bas, attention. C'est vrai. J'aurais dû confier la promo à Alex Vizorek. Allez-y avec des Kleenex. Oh, non, mais oui, c'est très bien sûr. Parce qu'avec lui, je veux dire, ça va exploser. En tout cas, vous avez déjà fait une place de plus. Tout de suite, le sujet 2 avec vous. Vous y attendez peut-être pas, mais on va parler de Nicolas Sarkozy. Super. C'est important, parce qu'il n'est pas venu au Panthéon hier. Moi, je vais dire plein de trucs. Il est parti en meeting au Havre, en jet privé. Le Havre. Exactement. Hein, et c'est normal, en plus, quand on est un humoriste de stature internationale, de toute façon. Il y avait une chose que j'avais pas prévue chez Moi-Je, c'est que Moi-Je voulait choisir lui-même le nom de notre formation politique. Le pauvre. Et il a dit, c'est moi qui fixerai le nom du grand parti d'opposition. Ils ne s'appelleront pas les Républicains. Manque de chance. Quand tu seras mort, vieille canaille. Ah, il est bon. Audrey, vous qui avez commencé sur scène, Sarkozy, en one-man show, est vraiment très très très bon. Il a les ruptures, il a les codes, il a les regards. Il a le bon rythme. Je vais lui demander de faire ma première partie, moi, pour cartonner. Ah, vous trouvez pas qu'il y a un petit côté stand-up? C'est incroyable ce qu'on vient d'entendre. Alors, il appelle François Hollande, Moi-Je. Il y a de la trouvaille quand même. C'est de la vanne direct, paf. Mais oui, évidemment. Il envoie. Alors, samedi, c'est le congrès refondateur de l'UMP, Porte de la Villette. Les militants doivent amener leur sandwich, figurez-vous, parce que le congrès, c'est un congrès low cost, vous savez, l'affaire Big Malion, etc. Donc, les militants doivent amener leur sandwich, mais Sarkozy, lui, hier, il a fait Paris-Le Havre en jet privé. Ceci expliquant cela, du coup. Ouais. C'est pour ça que tu dis sandwich. Oui. Sandwich. Ouais. Sandwich. Ah, c'est du belge. C'est du belge. Le jet privé coûte 3 200 euros. Ouais. Voilà. Mmh. Oui. Le voyage, le voyage. Et voilà. Le sandwich. Et le sandwich des militants, rien, puisqu'ils l'amènent. voilà. Donc on cherche une explication. On s'est dit que vous allez nous éclairer. Eh ben, pas du tout. Vous avez une affection pour le personnel politique ou... Non, alors moi, je ne parle pas du tout politique. Alors non, déjà, parce que j'y connais rien. C'est pas tant de vous demander votre avis. C'est je parle des personnes. Non, mais... Il y a plein de gens qui n'y connaissent rien et qui parlent politique. Regardez-nous. Ouais, c'est même notre émission. Vous pouvez y aller. Allez-y. C'est beaucoup de déconnades. Non, mais non, franchement, je me trouve pas intéressante quand j'en parle. Et c'est pas... Voilà. Vous allez voter ou pas? Bah bien sûr. Ah, bah, c'est pas si évident, vous savez, il y a quand même... De là, en parler à la radio, à la télé, il y a beaucoup d'artistes qui le font. Mais c'est vrai que vous votez quand même vachement à gauche. Moi, je le fais pas parce que je trouve qu'on peut en parler pendant des heures et des heures. Moi, je suis hyper influençable en plus, donc je vais dire non. Et cette passion, ça n'a aucun intérêt. Cette passion que vous avez pour Nicolas Dupont-Aignan. Comment ? Cette passion que vous avez pour Nicolas Dupont-Aignan, ça peut en parler quand même. Quand vous dites que vous êtes influençable, c'est-à-dire que vous regardez de temps en temps les débats politiques et que ça vous parle. Bah, évidemment. Mais c'est pas si évident. Non, mais ce que je dis, c'est que j'en parle pas à la radio ou à la télé. Voilà, je suis comme tout le monde, je regarde les infos, dans les dîners, je lis des journaux. Dans les dîners, vous en parlez. Mais oui, avec des copains. Il y a des prises de position politiques là-dedans. Quand on a énormément. J'ai bien compris quand même, GPA, tout ça, il y a des prises de position. Oui, mais c'est un personnage. Non, mais elle prend pas de position. C'est ça aussi que j'ai aimé dans le film, c'est qu'elle parle de GPA, elle parle de chômage et tout ça, mais elle prend pas de position. Elle dit pas, vous pensez ça, vous êtes des cons, vous pensez. Elle dit pas le chômage, c'est pas bien. Elle dit, on sait pas. Non, elle prend pas position. C'est-à-dire que, voilà, elle se met à la place de ces deux nanas là, sans prendre parti. Voilà, et chacun peut interpréter le truc comme et les poulets seront bien gardés, voilà. Écoutez, alors on va continuer à s'informer avec la voix de l'information du matin, Hélène Roussel. Ouais. C'est le moment où vous avez regardé ce que dit la presse étrangère des Français. Ouais. Et généralement, c'est pas joli, joli. Pas trop, en fait. Bon, là, on va commencer avec la réforme du collège. Voilà, parce que vous savez, c'est ce qui préoccupe beaucoup les Allemands, nos voisins. La suppression des classes bilingues et européennes, c'est une catastrophe. R, Alex, je le prononce bien ou pas? Voilà. Super belle imitation. Ah, super. Mais fiez-vous parce que j'ai un rôle pour vous tout à l'heure. Bon, déjà que les élèves français ont plutôt une sale réputation. On n'est pas très bon en langue, il paraît. C'est je vois, vrai. Ouais, je vois non, vraiment pas d'où ça vient en fait. Hein. You are welcome to invest in friends. We will be happy to help you make money in France. And of course. To make some money with you, for us. For us. Ah bah oui, for us. Je connais par cœur. Ah quand même. Ah bah oui. Je vous épargne. Non mais il a le vocabulaire. Eh oui, mais c'est déjà le principal. C'est pas mal. On a épargné les autres qui sont dans le genre à peu près tout aussi bon. L'exemple, on nous dit que ça vient d'en haut. Bon voilà. Avec la réforme du collège, bah tout ça va être encore pire. Si, c'est possible. C'est ce que nous dit une correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui est très inquiète. Les Allemands se demandent même, dit-elle, comment ils pourront bien continuer à discuter avec nous. Ben, je vois pas trop où est le problème en français, hein, a priori, comme d'habitude. Plus sérieusement, la journaliste se dit qu'à l'heure de la montée de tous les nationalismes en Europe, c'est quand même bien dommage de casser l'échange qui existait entre les deux pays. C'est vrai qu'entre Hollande et Merkel, c'était le French kiss, ichlibedisch à tous les étages. On les a bien vus comme ça, tous les deux à chaque rencontre. Enfin, d'ici à ce que les Allemands arrêtent d'apprendre le français, moi je vous dis, ça nous pend au nez. Parce que c'est comme dans un couple, finalement. Quand il n'y en a qu'un des deux qui fait des efforts, bah forcément, au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol, il arrête. Il y a un message? Non, le message, c'est que non. Parce que finalement, pour être très honnête, on peut aussi très bien se comprendre sans se parler. Ah, alors ça, c'est un truc que je sais faire. Ah, voilà. Sans parler, on a dit. Vous venez de réveiller ma douceur. Il dit ça, il agite ses doigts. Moi, je sais faire ça. Non, c'est eye contact et puis un petit peu de... Et puis contact. Ouais, contact. Non, André, tu es très excité. Bon, à propos de la réforme du collège, à votre avis, on en parlait, quelle est la ministre dont la presse étrangère parle beaucoup? N'oubliez pas Malo Belkacem. La jeune génération, bien sûr. François Hollande a compris que sa mince chance de salut ne viendrait pas de la gauche de papa, mais des nouvelles classes moyennes centristes et pragmatiques. C'est pas de moi, je l'ai lu dans Le Temps, un journal suisse. C'est sûr qu'en Suisse, on s'y connaît bien en classe moyenne. Bon. On revient à Najat, hein, si vous voulez bien. Parce qu'on l'aime bien. Najat Vallaud-Belkacem. Parce qu'on l'aime bien à l'étranger. On l'adore même, en fait. On l'aime pas, on l'adore. Par exemple, aux États-Unis, ils en ont fait une Marianne d'En Vogue. Elle est jeune, de confession musulmane. Elle a grandi dans cette banlieue défavorisée, d'origine immigrée. Bref, il y a tout le cocktail, évidemment. Et puis il y a d'autres ministres hein, que la presse étrangère aime bien. Bon, évidemment, il y a Macron, Emmanuel, de son prénom. Et puis il y en a un autre, Manu. Lequel, à votre avis? Manu, bien sûr, Manu. Manuel Valls. Il est moins le matador que le puntiero. Tac, tac, ni vu ni connu, je vous fais une petite leçon de cours de langue comme ça, hein, gratos. Ouais. Puntiero, Charline? C'est en espagnol? Ouais, c'est de l'espagnol. Et ça se prononce bien ou pas, la puntiero? Je sais pas. Ah oui, je connaissais pas ce mot. Eh ben, traduction, en fait. Valls est moins le matador que le puntiero. Ça veut dire que Valls a pour tâche d'achever le vieux mammouth socialiste sans les honneurs de l'estocade. Voilà. Ah, c'est un terme technique de corrida. Voilà, c'est le mec qui vient dans l'arène après le torero. Quoi. Allez, allez. Moi, j'ai résumé ça sous le terme gros con. Ça résume à peu près tous les gens qui font la corrida. Patience. Soyez pas si triste, ni si en colère. En fait, la gauche, non, elle est pas foutue. Je vous jure, c'est les Russes qui le disent. Alors, si c'est les Russes. Vous lisez la presse russe, oui. Ah, bah oui, un site internet. Hardcore. Attendez, moi, je fais mon boulot. On me dit, faut regarder la presse étrangère, je la regarde. Rédaction de France Inter, excusez du peu. Donc, les Russes du site internet Hardcore qui nous disent quoi? Ben, ils nous disent, les départementales en France, non, c'est pas du tout. Ça n'a pas du tout été la raclée pour la gauche. La preuve, les Verts et le Front de Gauche, ils ont bien réussi à s'unir, au moins dans 40% des cas. C'est donc que la coalition à gauche, elle est bien possible. Je vous vois content, là, Guillaume, ça y est, je vois sourire. C'est bien. Ouais, mais ça ne va pas durer, je sens. Bon, vous savez que les Russes, moi, je ne savais pas que les Russes, par exemple, avaient l'habitude de voir le verre à moitié plein, ou en tout cas, le verre, en l'occurrence, à moitié rose. Mais bon, ne nous réjouissons pas trop vite, parce qu'évidemment, de façon générale, la France, c'est toujours la société bloquée, pleine de privilèges, de syndicats méchants, et qui bloquent toute la société. C'est une journaliste d'El Mundo qui écrit : on peut quitter Paris et revenir mille fois, on a toujours l'impression que rien n'a changé. Même la vieille dame tirée à quatre épingles qui te pousse dans le métro est la même. C'est bien vu ça, non? J'aime bien. C'est vrai. Ouais. Alors, Carmela Rios, c'est son nom, elle va plus loin, Charline, je sais que c'est un peu votre dada aussi, car la meilleure démonstration, dit-elle, eh bien, c'est l'Assemblée nationale. 577 députés, 11 seulement qui ont moins de 40 ans. Et vous voyez des visages, dit-elle, qu'il y avait déjà dans vos manuels scolaires ou qu'on voyait à la télé à l'époque où il n'y avait qu'une seule chaîne. Elle va être contente quand Juppé va être président. Enfin, pour terminer, on dirait que le French bashing, bah oui, il ne faut pas se leurrer, c'est toujours le sport favori de nos petits voisins d'Europe. On doit avoir des têtes sympas, moi je vois que ça. Heureusement, en fait, nous on a les Belges. Hein, voilà, moi je le dis comme ça aussi, parce que ça va, ça suffit. En Angleterre, récemment, David Cameron, il en a fait un argument de campagne. Attention, disait le Tory, si vous votez Ed Miliband, vous allez finir comme en France, avec plus de 3 millions de chômeurs. Bah, résultat, ils ont revoté conservateur. Always blame the French. Vous remarquerez mon accent britannique au passage. Mais oui. Vous avez des origines britanniques. Chut, toujours accuser les Français. Hein, le dicton date quand même du Moyen-Âge, figurez-vous. C'est pas d'hier, sauf qu'aujourd'hui, bah, ce sont les néoconservateurs qui l'utilisent et les fans nostalgiques de Thatcher qui le croient. La messe est dite. Ite missa est du latin pour finir. Coucou Najat, Valo Belkacem. Merci Hélène Roussel pour cette chronique. Allez musique, nous sommes toujours en compagnie d'Audrey Lamy. Restez avec nous jusqu'à 18h. Ne partez pas Audrey, restez. Words are in my head, but I can't enunciate them clearly. Headphones on your head, they prevent a chance to even try. Some might find me borderline attractive from afar, but afar is not where I can stay, and there you are. Though I want you, I know I haven't a chance. Still I want you. Charming delusional here. FFS, Franz Ferdinand et les Sparks chantent Johnny Delusional sur France Inter. Wow. Écoutez, c'est la playlist, vous irez voir sur franceinter.fr et puis les moutons seront bien gardés. Hein, bon, alors voilà, troisième sujet avec Audrey Lamy. Oh, la bonne expression. Pour la cinquième année consécutive, Angela Merkel est la femme la plus puissante du monde et Taylor Swift entre dans le top 100. Quant à Christine Lagarde, directrice du FMI française, elle est sixième, c'est normal, vu sa sphère d'influence, elle connaît tout le monde. Oui. Bonjour monsieur. Voilà. Tenez-moi l'appareil. Faut pas arrêter de remuer ça. Hello Lisa, how are you? Fine, tant mieux. Where are you? San Francisco. Oh, I cannot come. Non. I am too occupied. Occupied. Comprends rien. Hein? Comment on dit occupé? Busy. Ah, busy. Too busy. Yes. Wait a minute. I don't understand. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, 2 kilos en une semaine. Oh, 2 kilos in a week, oh, merveilleuse. I am glad. See you later, bye. Oh, sacré Lisa, on ne la changera jamais. Hein. Jacqueline Maillan, dans La Facture, une pièce de Françoise Dorin. Alors là, on est un petit peu vache parce que Christine Lagarde a quand même un accent magnifique. She speaks fluently English. Alors, Forbes détermine la puissance des femmes en fonction de leur fortune, puissance médiatique, sphère d'influence. 59 sont américaines. Et alors, pour la culture, attention, Audrey Lamy, il y a Oprah Winfrey, 12e, Beyoncé, 21e. Ah, j'allais dire Beyoncé quand est-ce qu'on parle d'elle. Voilà, voilà. Donc, là, oui. Finalement, la puissance, c'est pas tellement la culture. C'est un peu la conclusion. Et Angie. J'ai vu qu'il y avait Angie et Angelina Jolie aussi. Oui. Ah, oui, voilà, bah, quand même. Vous avez travaillé le dossier parce que moi, j'ai pas vu ça. Et Nabila, non? Hein? Non, pas Nabila. Ah, non. Voilà. Écoutez, c'était fortement intéressant. Et c'est pour ça qu'on va passer au sketch. Mais oui, Audrey Lamy, en fin d'émission, le sketch surprise. Voilà, je vous envoie le texte. Et vous avez un rôle pointu. Je vous propose le rôle d'Angela Merkel, car elle va faire un discours vidéo pour Nicolas Sarkozy pour le congrès de samedi. Et comment Nicolas Sarkozy l'a convaincu? Eh bien, c'était dans un Biergarten. C'était en Bavière. Guillaume Meurice et Nicolas Sarkozy, Audrey Lamy, vous faites ce que vous voulez, vous êtes Angela Merkel. Oh bah non, attends, Angela, Angela, vous pouvez tout faire. Angela, Angela. Oh Nicolas, qu'est-ce que tu fais à la Oktoberfest? Mais tu ne sais pas prononcer. Non, je ne sais pas du tout prononcer, je suis complètement dyslexique. La Oktoberfest, mais on est en mai. Mais Nicolas, on aime faire la fête en Allemagne, alors on prolonge un peu. Bon, parlons de fête, samedi, c'est le congrès de l'UMP. Le congrès des inculpés? De l'UMP. Oh. Au final, c'est presque ça, c'est pareil, t'as raison. Oh, tu es si mignon, Nicolas. Du bist ein kleines Wünsche. Tu ne parles pas du tout allemand. Il y a des pièges, il y a des pièges. Bon, merci, mais toi aussi, tu es mignonne. Pour une Allemande de l'Est, tu es mignonne. Bon, je suis venu te demander quelque chose. Vas-y, mon Nicolas, demande-moi ce que tu veux à ton Angela. Voilà, en fait, je voudrais que tu fasses une vidéo pour me soutenir. Mais que va dire François? Mais on s'en fiche. Moi, je t'aime plus que lui. Non, mais... Oh, excellent. Tu me fais une scène de ménage? C'est ça. C'est une scène de ménage, c'est ça. C'est ça. Oh, j'adore la série. Oh, putain. Et oui, c'est oh, bien écrit. Oh, j'adore la série scène de ménage. Audrey Lamy est si drôle, extraordinaire, incroyable. Il faut un Oscar. Ouais, ouais. Moi, je trouve qu'elle est un peu pourrie. Mais c'est pas grave. Mais toi, tu es douée, Angela. Hein, je sais pas pourquoi, mais tu me fais terriblement penser à Audrey Lamy quand même, quelquefois. J'aime les compliments. Bon, tu acceptes alors? Uniquement si tu me fais une faveur. Non mais attends, pourquoi tu enlèves ta salopette à bretelles, Angela? Tu veux ton petit message vidéo? Bon, allez, écoute, je suis vraiment prêt à tout, hein. Je prends juste une grande bière avant. Non, j'ai tout mon temps. Merci. Vous n'avez pas pris de risque de l'accent. Mais je suis nue. Non, mais moi, j'ai en plus, j'ai pas fait allemand. Alors, vous n'avez pas fait allemand, mais vous avez fait Qui c'est le plus fort de Charlotte de Turckheim en salle le 3 juin. Vous êtes aussi toujours à l'affiche du film d'Alex Lutz, Le talent de mes amis. Mm-hmm. Alex Lutz, qui est votre ami. Et on retrouve d'ailleurs Bruno Sanchez dans Qui c'est le plus fort et qui a du talent. C'est magnifique. C'est la fin de cette émission. Merci Audrey Lamy. Merci à toute l'équipe. Demain, on reçoit Daphné Roulier. Le mot de la fin est dédié à la FIFA. Les bénéfices, ça se divise, la réclusion, ça s'additionne.